Cette galère, je voulais juste voir la mer. Qu'est-ce que je joue dans cette galère? Je voulais juste voir la mer.